vivre à l'amour. Pourquoi ne viens-tu pas? Moi qui t'attends là depuis des mois. Il y a pourtant au coin de ma rue une belle ingénue. Oui, je l'ai vue. Mais pourquoi ne m'a-t-elle pas remarqué? J'ai fait tout ce que je pouvais. Dis-toi l'amour, je crois ça y est cette fois. Elle est passée là, devant chez moi. Vite, je descends et je vais lui parler sans trop hésiter. Allez, j'y vais. Maintenant, nous nous connaissons très bien. Nous allons la main dans la main. Merci d'amour. C'est ce que je veux. Je suis très heureux. Merci l'amour.